Victor au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. Tous nos 75 tirent encore par rafales sèches, précipitées, l'air qu'on respire picote la gorge, un âcre brouillard fauve traîne ses guenilles déchiquetées, on découvre au travers des pans de ciel extraordinairement bleus, la pente d'une colline, quelques sapins aux pointes aiguës. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Au moment où s'achève la commémoration de la Grande Guerre, le président de la République, en plein usage d'un des pouvoirs les plus régaliens et solitaires qui soit, a décidé le transfert au Panthéon des cendres de Maurice Genevoix et il a choisi l'endroit même dans ce temple de la République où elles seraient précisément déposées. La cérémonie aura lieu dans quelques semaines et il m'a paru qu'il serait stimulant de s'interroger un peu en avance sur les ressorts de cette parousie d'un écrivain particulier, l'auteur de « Ceux de 14 », à qui va être conféré de la sorte un glorieux label national. L'écrivain national, voilà bien une figure qui pose toutes sortes de questions historiques, celle même que vient d'aborder dans un livre précieux mon invité, Anne-Marie Thiès, directrice de recherche au CNRS. Cette figure est doublement ambivalente. Elle porte à l'extrême la dualité de la plus exceptionnelle individualité et en même temps de la quintessence d'une nation. Et d'autre part, elle incarne une tension entre l'œuvre d'un génie original, enraciné dans un pays spécifique, et la dimension universelle sans laquelle il n'exprimerait pas autre chose qu'un égotisme collectif voué au repli sur soi et en somme à une sorte de rabougrissement. Une figure dont il va falloir considérer à la fois l'émergence à partir surtout du XVIIIe siècle et les multiples avatars aux deux siècles suivants au cours desquels elle a été mobilisée tout autour de la planète, de régime en régime, au service des causes les plus diverses et parfois les moins honorables. À côté d'un sacre démocratique dans les pays de liberté, des instrumentalisations souvent fétides ont en effet surgi dans les régimes d'oppression. Je vous propose un inventaire historique, avec à la clé forcément une réflexion sur la responsabilité des auteurs eux-mêmes parmi ce tohu-bohu. Je m'excuse, messieurs les journalistes, vous allez être peut-être assez étonnés, mais je n'ai jamais, quant à moi, dans aucune de mes déclarations, parlé de l'Europe des patries. Bien qu'on prétende toujours que je l'ai fait. Ce n'est pas bien sûr que je renie, moi, la mienne. Bien au contraire, je lui suis attaché plus que jamais. Et d'ailleurs, je ne crois pas que l'Europe puisse avoir aucune réalité vivante si elle ne comporte pas la France avec ses Français. L'Allemagne avec ses Allemands, l'Italie avec ses Italiens, etc. Dante, Goethe, Chateaubriand appartiennent à toute l'Europe dans la mesure même où ils étaient respectivement et éminemment Italiens, Allemands et Français. Ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et qu'ils avaient pensé et écrit en quelques espéranto ou volapük intégrés. Anne-Marie Thiès, bonjour. Bonjour. Je ne doute pas un instant que vous n'ayez pas reconnu la voix du général de Gaulle. Et cette formule devenue très très célèbre, elle est extraite d'une conférence de presse du 15 mai 1962 à propos de l'Europe des Six. Ce fut d'ailleurs l'occasion pour les ministres MRP de démissionner du premier gouvernement Pompidou. Mais ce n'est pas directement mon sujet. Je rappelle, peut-être est-ce nécessaire, chacun sait ce que c'est que l'espéranto. Je rappelle ce qu'était le volapük. C'était une langue qui avait été créée en 1879 par un prêtre allemand catholique, Schleyer, et qui avait senti que Dieu lui commandait de créer une langue auxiliaire internationale, donc bien au-dessus des patries. Après un développement assez rapide, la langue a perdu son efficacité, un grand nombre de locuteurs au profit de l'espéranto. Ça, c'était ma note en bas de page, mais ça n'est pas l'essentiel. Comment réagissez-vous à ce propos du général de Gaulle dans la ligne de notre curiosité de ce matin? Alors, il est tout à fait intéressant de voir que de Gaulle explique l'Europe des nations à partir d'écrivains. Et il reprend à cette occasion ce grand principe qui s'est formé au cours des deux derniers siècles, à savoir qu'un grand écrivain, c'est un génie singulier, mais c'est aussi l'expression d'un génie collectif national, et que c'est par cela qu'il a une portée universelle. Donc, le vrai universel, c'est celui qui est enraciné à la fois dans une collectivité nationale et dans un esprit singulier, ce à quoi il oppose une littérature apatride qui donc est sans qualité aucune. C'est vraiment un principe avec lequel les Européens, puis le monde entier, ont appris à fonctionner depuis deux siècles. Vous voilà donc gaulliste, ou en tout cas gaullienne, Anne-Marie Thiès. Alors, c'est un principe sur lequel je me suis interrogée, parce que moi, j'ai essayé de comprendre comment cette association, qui est extrêmement complexe, entre l'extrême singularité, l'extrême collectivité et l'universel, a pu être nouée. On peut d'ailleurs se demander si de Gaulle n'avait pas lu un texte d'André Gide, paru dans la Nouvelle Revue Française, la NRF, en 1909, que vous avez exhumé, Anne-Marie Thiès, et où il écrivait « Les œuvres les plus humaines, celles qui demeurent d'intérêt le plus général, sont aussi les plus particulières, celles où se manifeste le plus spécialement le génie d'une race à travers le génie d'un individu. » Nous y voilà. Quoi de plus national, c'est toujours Gide qui s'exprime, qu'Eschyle, Dante, Shakespeare, Cervantes, Molière, Ibsen, Dostoïevski. Quoi de plus généralement humain et aussi de plus individuel? Car il faudrait enfin comprendre que ces trois termes se superposent et qu'aucune œuvre d'art n'a de signification universelle qui n'a d'abord une signification nationale. N'a de signification nationale qui n'a d'abord une signification individuelle. Fin de citation. André Gide. Peut-être convient-il de faire surgir, pour commencer, le moment où, au XVIIIe siècle, est apparue l'idée d'écrivain national. On a commencé de chercher, lorsque l'absolutisme était en passe d'alléger un peu sa pression sur le monde des lettres, comment cette idée a surgi. Alors, l'idée nationale, elle apparaît initialement au XVIIIe siècle comme un moyen de sortie de l'Ancien Régime, c'est-à-dire l'idée de proposer une collectivité politique souveraine et une collectivité formée d'individus. L'âge national, c'est l'âge de l'individu. D'où, d'ailleurs, cette figure extrêmement complexe incarnée par l'écrivain national, qui est à la fois extrêmement individuel et en même temps extrêmement collectif. Et c'est à travers lui que se noue cette tension qui est celle donc de la modernité nationale. Il y a aussi l'opposition qui se développe au XVIIIe siècle entre le héros casqué, vainqueur sur le champ de bataille, et le grand homme qui a des vertus civiles. Alors, effectivement, c'est civique. L'apparition des héros civils, des héros civiques, des héros qui sont des modèles pour un nouveau monde. Et on assiste aussi à cette période à un début de sécularisation dans les représentations politiques et sociales, avec un déport du religieux, du sacré religieux sur le culturel, et se développe donc autour des écrivains un culte de l'écrivain qui leur reconnaît une fonction sacerdotale, en quelque sorte collective. L'écrivain porte, représente, illustre, incarne une nation. C'est ce qu'un critique notoire, Paul Bénichoux, a appelé, c'est le titre d'un livre qui a fait mouche, le sacre de l'écrivain. Oui, et le sacre de l'écrivain va donner lieu à de nouvelles pratiques culturelles, mais aussi politiques, à commencer d'ailleurs par d'abord l'érection de statues aux écrivains, qui se développe de manière intensive à partir du 19e siècle. Les écrivains se mettent à peupler les villes, à peupler le décor urbain et donner leur nom aux rues des villes, et puis aussi des grandes fêtes collectives. Nous allons voir tout cela, mais ne courez pas la poste. Je vous maintiens un temps dans ce 18e siècle et ce début du 19e où la plupart des grandes nations européennes sont allées chercher dans le passé les racines un peu mythiques de l'écrivain national, en particulier avec ce phénomène d'attention portée aux chroniques anciennes auxquelles on a donné une portée, un contenu nouveau. Oui, de la même manière que les nations commencent avec l'écriture des histoires nationales, de la même manière aussi, elles vont commencer par la constitution d'un patrimoine culturel qui est supposé remonter le plus loin possible dans le temps, ce qui est un élément de valeur extrêmement important. Et donc, ça va être la redécouverte, soit d'épopées orales qui auraient été transmises à travers les chants populaires, soit d'anciens manuscrits correspondant aux chroniques médiévales qui permettent à la nation de célébrer, d'illustrer ses illustres ancêtres, de leur demander des leçons valeureuse pour leur présent, et puis de s'y projeter. On peut prendre l'exemple de la chanson de Roland. Vous y consentez? Bien sûr. Et vous donner à entendre un extrait de cette adaptation radiophonique que l'on doit à René Louis dans l'émission Analyse Spectra de l'Occident, une émission très fameuse en son temps. Celle-ci date du 30 décembre 1958. La bataille est merveilleuse et pesante. Par centaines et par milliers, les païens meurent. Celui d'entre eux qui ne s'enfuit pas ne trouve nul refuge contre la mort. Bon gré, mal gré, il y laisse la vie. Mais les Français y perdent aussi beaucoup de leurs meilleurs combattants. Ceux-là ne reverront plus leur mère, ni leur femme, ni Charlemagne qui les attend au port. Tant de bons Français perdent leur jeune vie. Quand les derniers païens ont déserté le combat, les 12 pères avec l'archevêque Turpin et les survivants de l'arrière-garde parcourent le champ de bataille et recueillent les cadavres de leurs morts. Ils pleurent sur eux de deuil et de pitié, et ils prient Dieu de recevoir les âmes en paradis. À cette heure où s'achève le combat victorieux contre la première armée de païens, le ciel manifeste de sinistres présages. En France s'élève une épouvantable tempête, un orage chargé de tonnerre et de vent, de pluie torrentielle et de grêle. La foudre tombe à coups serrés, la terre tremble. Du sanctuaire normand de Saint-Michel du Péril, où l'église de l'archange se dresse sur le mont, tombe, jusqu'au sanctuaire des sept saints dormant en Bretagne, qui s'abrite sous un dolmen, depuis Besançon, qui est la porte de l'Allemagne, jusqu'au port de Vissant, qui est la dernière étape sur la route de l'Angleterre, il ne reste pas une maison dont les murs ne soient fendus par le tremblement de terre. Dans tout le pays des Francs, de Langres à Reims, de Troyes à Paris, de Laon à Orléans, d'Arras à Amiens et de Beauvais au Mans, il se fait en plein midi de grandes ténèbres. Aucune clarté, sinon quand les éclairs déchirent brusquement le ciel. Nul ne peut voir ce spectacle sans en être saisi d'épouvante. Les gens du pays de France se disent entre eux: la fin du monde est venue. Voici les signes de la consommation des temps, tels que notre Seigneur les a prédits en son évangile. Ces gens ne savent pas. Ils ne disent pas vrai. C'est la grande douleur pour la mort de Roland. On est là dans un climat patriotique, non? Ah oui, la grande promotion nationale de la chanson de Roland, elle se fait au début de la Troisième République. Il y a eu, dès 1830, des publications, des manuscrits relatant cette chanson, notamment le manuscrit de la Bodleian Library à Oxford, qui est publié par Francisque Michel. Mais sous le Second Empire aussi, le fameux ministre Fortoul, un grand projet de recueil de chants populaires. Oui, alors il y a tout ce travail qui se fait, mais la chanson de Roland, elle va entrer en gloire nationale dans Paris assiégé par les Prussiens, lorsque Gaston Paris, qui entre à la chaire de littérature médiévale au Collège de France, tient des discours où il présente Roland et ses preux comme modèle du sursaut patriotique des Français face à l'ennemi. Les païens, ça devient les Allemands. Et toutes les premières décennies de la Troisième République, la chanson de Roland va être présentée à la jeunesse française, notamment, comme son modèle pour reprendre la victoire. 1880, la chanson de Roland entre au programme des lycées et elle va entrer au programme de l'agrégation à peu près au même moment, de façon à former les enseignants et les enseignés à cette résistance nationale des origines. Le même phénomène s'observe dans d'autres pays. Vous citez le cas, par exemple, topique de la Finlande. Oui, alors dans l'ensemble de l'Europe, les littératures nationales vont commencer par la mise en valeur de ces textes anciens auxquels sont données des valeurs patriotiques. Bon, dans le cas de la Russie, par exemple, il y a un dit du prince Igor qui est connu par les amateurs de musique puisqu'il a donné lieu à l'opéra de Borodine. Et ce dit du prince Igor, il est mis en valeur au moment où les troupes napoléoniennes arrivent à Moscou. De la même manière, dans Berlin, occupé par les troupes napoléoniennes au début du XIXe siècle, il y a de grandes conférences sur le Nibelungenlied et sur l'épopée de Siegfried pour rappeler un sursaut allemand. Donc il y a cette projection des nations modernes dans leurs épopées antiques. Cela s'observe dès la fin du XVIIIe siècle, probablement. Oui, dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, ce grand mouvement est engagé. Avec déjà des éléments de patriotisme, le chauvinisme avant la lettre, Chauvin c'est plus tard. Par exemple, le regard que jette Voltaire sur Shakespeare est intéressant à rappeler. Alors, Voltaire est un personnage relativement ambivalent dans ce grand mouvement. Voltaire admire l'esprit anglais du point de vue culturel et surtout du point de vue politique, le parlementarisme, une certaine liberté d'esprit par rapport à l'absolutisme français, mais en même temps, Voltaire est ambivalent vis-à-vis de ce théâtre de Shakespeare qui lui semble plein de vie, mais quand même un peu trop vulgaire et non respectueux des normes. Trop populaire. Trop populaire. Or, c'est le même moment où, en Grande-Bretagne, l'émergence de Shakespeare comme écrivain national se dessine. Il y a la fameuse fête de Shakespeare à Stratford upon Avon en 1769, qui est organisée autour d'un buste du dramaturge. Déjà la statuomanie. Oui, c'est le début de la statuomanie des écrivains. Et ce qui est intéressant, c'est que cette mise en valeur de Shakespeare comme écrivain national, elle a un écho très important, non seulement au Royaume-Uni, mais aussi en Allemagne, exactement à la même époque. Le jeune Goethe décide de célébrer, il est encore très très jeune homme, un Shakespeare Tag et de prononcer un hommage à Shakespeare qui est en fait un manifeste de la jeune génération, à la fois politique et culturelle. Donc il y a ce double mouvement qui va célébrer justement dans Shakespeare un auteur populaire. Parce que l'idée nationale, elle porte quand même aussi l'idée de la nation, ça n'est pas une élite. La nation, c'est le peuple tout entier. Et c'est à partir du peuple que l'on va procéder à ce grand renouveau politique et social qui correspond à l'émergence de l'idée nationale. Encore une ambivalence qui est durable. Est-ce que les écrivains appartiennent à ceux qui savent lire, qui s'y intéressent, encore assez peu nombreux en somme à la fin du XVIIIe siècle, alors que le XIXe, bien au contraire, pour toutes sortes de raisons technologiques et culturelles, élargir énormément le public potentiel. Effectivement, comme vous le soulignez, cette jeune génération d'écrivains qui va mettre en valeur la littérature populaire, les chants populaires, la référence au peuple comme référence absolue en matière esthétique et culturelle, sont de jeunes lettrés qui procèdent à des remaniements extrêmement importants de ce qu'ils présentent comme étant la littérature populaire. Et d'ailleurs, ça va être le début du triomphe de la littérature écrite et un déclin extrêmement important à partir du début du XIXe siècle de ce qu'avait été comme l'essentiel de la littérature, à savoir sa version orale. Il y a une sorte de capture de la version orale au profit pour servir des finalités patriotiques ou nationales. Oui, il y a sa réappropriation écrite de façon à fonder les littératures nationales écrites telles que nous les connaissons aujourd'hui. Nous parlons de Voltaire, c'est le lieu, me semble-t-il, Anne-Marie Thiès, de rappeler qu'il a été le premier grand écrivain panthéonisé dès lors que la Révolution française s'est saisie de la basilique de Sainte-Geneviève pour en faire le temple de la République. Je voudrais vous faire entendre les deux premières strophes de l'hymne sur la translation de Voltaire au Panthéon, qui a été composé par Gossec, François-Joseph Gossec, grand musicien de la Révolution, sur des paroles de Joseph-Marie Chénier, le frère d'André Chénier. Voici les deux premières strophes. « Ce ne sont plus des pleurs qu'il est temps de répandre, c'est le jour du triomphe et non pas des regrets. Que nos chants d'allégresse accompagnent les cendres du plus illustre des Français. » Formule qui va durer. « Jadis par les tyrans cette cendre exilée, » Ferney Voltaire, jadis par les tyrans, cette cendre exilée au milieu des sanglots fuyait loin de nos yeux, mais par un peuple libre, aujourd'hui rappelé, elle vient consacrer ses lieux. Nous sommes en 1791, je le rappelle, écoutez. C'est une date très importante que l'arrivée au Panthéon de Voltaire, le rôle du Panthéon ensuite pour porter l'écrivain national qui est le sujet de notre conversation ce matin. Oui, le Panthéon, c'est la nécropole des grands hommes de la patrie et Voltaire est un des premiers à y entrer. C'est le premier de ces événements à grand spectacle qu'ont été les commémorations d'écrivains et notamment leur transfert au Panthéon. Le cortège qui va amener Voltaire au Panthéon, il va traverser une bonne partie de Paris pendant des heures et il part symboliquement d'un tas de pierres de la Bastille démolie. Avant d'entrer, donc, signification politique très forte, et il va être justement escorté notamment par ceux qui ont démoli la Bastille, par des citoyens. Des cortèges se forment, mais l'écrivain est aussi accompagné d'une arche abritant ses œuvres. Donc, ce qui entre au Panthéon, c'est un homme, c'est une œuvre, et c'est la nation. Et c'est ce que nous allons redécouvrir bientôt avec la commémoration de Maurice Genevoix. Voilà vraiment, on est au cœur de cette dialectique politico-littéraire. Oui, puisque le président de la République, Emmanuel Macron, lorsqu'il a annoncé la panthéonisation de Maurice Genevoix l'année dernière aux Éparges, a indiqué très clairement que... Les Éparges, c'est-à-dire le lieu principal de son combat, du combat de Genevoix. Le lieu de combat de la Grande Guerre. Il a annoncé qu'avec Maurice Genevoix, entrerait au Panthéon Ceux de 14. Ceux de 14, c'est le titre de l'ouvrage de Maurice Genevoix qui rassemble ses écrits d'écrivains combattants. Mais ceux de 14, dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est toute cette génération de combattants, du simple soldat à l'officier supérieur, dit-il, mais aussi avec les femmes qui ont combattu. Donc, l'idée, c'est bien qu'avec l'écrivain et par son œuvre, c'est toute la nation qui entre au Panthéon pour être commémorée. Et dans le même temps, le Panthéon, c'est le lieu des individus, aux grands hommes. Donc, il y a pu avoir quelques incertitudes sur le désir du président de la République d'introduire les poilus. D'abord, on n'a pas toujours su si c'était ceux qui étaient morts au combat ou si c'était tous. Et puis, il y a déjà, sous l'Arc de Triomphe, le soldat inconnu. Donc, de ce point de vue-là, la question reste un peu ouverte. Mais enfin, on attribue la responsabilité posthume, un peu écrasante, à un écrivain comme Maurice Genevoix, de les incarner tous. Oui, et de leur servir, je reprends encore ce discours du président, de leur servir de porte-étendard. C'est-à-dire, c'est cette idée qui est véritablement née depuis les débuts de l'âge national, que l'écrivain marche à la tête de la nation. Il tient cette fonction représentative. Et il faut pour cela être en République ou en démocratie. Madame de Staël observait cela puisqu'elle écrivait, c'est une des épigraphes que vous avez choisi pour votre livre, Anne-Marie Thiès, dans De la littérature. En 1800, elle écrivait ceci. « L'existence subalterne qu'on accordait aux gens de lettres dans la monarchie française ne leur donnait aucune autorité dans les questions importantes qui tiennent à la destinée des hommes. Comment pourrait-il acquérir quelque dignité dans un tel ordre, si ce n'est en s'en montrant les adversaires? La gloire des grands hommes est le patrimoine d'un peuple libre. Après leur mort, le peuple entier en hérite. L'amour de la patrie ne se compose que de souvenirs. » On voit vraiment le changement d'air. Oui, oui, oui. Et Madame de Staël est une de celles qui, pour la France, va théoriser ce grand changement et le nouveau rôle de la littérature et des écrivains. Néanmoins, il faut rappeler que parmi tous ceux qui ont été accueillis au Panthéon, les écrivains restent peu nombreux. Oui, c'est le paradoxe. La France est une nation littéraire, on l'a beaucoup dit, mais au Panthéon, il y a actuellement très peu d'écrivains. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'une bonne moitié des entrées récentes ont été faites dans le dernier quart de siècle. Entre Voltaire et 1996, entrée de Malraux au Panthéon, il y a eu très très peu d'entrées. Rousseau et Zola. Alors il y a eu Rousseau, Hugo et Zola. Souvent à proximité plus étroite encore qu'aujourd'hui de la politique, de la signification civique de ce que cela incarnait. Zola, sans l'affaire Dreyfus, n'aurait peut-être pas été porté au Panthéon à l'initiative du président du Conseil Clémenceau, qu'il admirait beaucoup. Oui, à la différence de Poets' Corner à l'abbaye de Westminster, qui a servi un petit peu de modèle pour le Panthéon français, à Poets' Corner, il y a à peu près une centaine d'écrivains déjà, qui y sont par leur reste ou par des monuments. Nous, nous en sommes à un effectif qui n'atteint même pas les 10 écrivains. Parce que les panthéonisations, et ça a bien commencé avec celle de Voltaire, panthéonisent aussi des choix politiques. Et ça a été particulièrement net dans le cas de Voltaire et de Rousseau, mais aussi dans celui de Hugo. Et dans le cas de Zola, cette panthéonisation a été pour le moins agitée, polémique, et il y a même eu un tir sur Alfred Dreyfus par un journaliste d'extrême droite sur les marches du Panthéon. Votre comparaison avec l'Angleterre est éclairante, avec Westminster. En fait, une centaine d'écrivains, le coin des poètes. Le premier était Chaucer, l'auteur des fameux contes de Canterbury, qui se trouvait avoir une responsabilité à Westminster. Oui, il n'y est pas entré en tant que célébration d'un écrivain. Il a donné le branle. Voilà. Mais après, ça a lancé cet intérêt pour un rassemblement d'écrivains. Le 19e siècle est donc celui, décidément, où émerge le héros national. Mais du même coup, on peut se poser la question de son instrumentalisation éventuelle qui déformerait son œuvre et de la rencontre entre un auteur et une nation, un moment. On peut saluer le livre que vient de faire paraître Régis Debray qui s'appelle « Du génie français » où il imagine qu'on aurait à choisir quel est le français, l'écrivain le plus représentatif. C'est un beau livre et il oppose Stendhal et Hugo, qui nous dépasse parce qu'il embrasse le tout de la condition humaine, y compris l'extra-humain, de l'érotique au cosmos. Et je cite Régis Debray, « Les épinards et Saint-Simon ont été mes seuls goûts durables, » dit Stendhal. « J'ai eu deux affaires dans ma vie, » dit Hugo, « Paris et l'océan. » Quand on parle de Hugo, évidemment, on évoque ses funérailles en 1885. J'ai déniché pour vous le récit d'un témoin qui a assisté encore enfant aux funérailles de Victor Hugo et qui l'a raconté. Il s'agit du poète Fernand Greg, un poète honorable qui était de l'Académie française, après d'ailleurs de nombreuses tentatives. Fernand Greg raconte ses impressions. Je crois qu'il ressuscite assez bien un moment particulier, 1885, les funérailles d'Hugo. Je vous rappelle qu'il avait refusé d'être dans un corbillard majestueux, il avait voulu le corbillard des pauvres, mais ça n'a pas empêché qu'on le conduise au Panthéon, qui, à cette occasion, a retrouvé sa vocation de l'époque révolutionnaire. J'avais 12 ans, j'étais élève au lycée Michelet, quand Victor Hugo mourut. Nous savions depuis quelques jours qu'il était malade. Ceux d'entre nous qui sortaient le dimanche avaient apporté la nouvelle aux prisonniers de l'internat. Victor Hugo, pour nous, C'était avant tout un nom, un grand nom, déjà classique, presque aussi lointain, presque aussi merveilleux qu'Homère ou Virgile. Et loin de nous étonner que le grand poète fût sur le point de mourir, c'est plutôt de ce qu'il vécut encore que nous étions surpris. Toutefois, nous l'admirions déjà. Quelques semaines auparavant, notre maître d'études nous avait lu Hernani, qui nous avait indiciblement émus. Nous étions au réfectoire et nous déjeunions en silence, comme le voulait alors le sévère règlement. Mon voisin me poussa le coude et, à voix basse, au risque d'une punition, me dit la nouvelle qu'il tenait lui-même de son voisin. Victor Hugo est mort. En un instant, de bouche en bouche, de table en table, elle eut fait le tour du lycée. Et tous alors, enfants de la Troisième République, petits idéalistes élevés dans l'amour de la gloire et la vénération du génie, nous sentîmes passer quelque chose dans le morne et sordide réfectoire, un souffle, un frisson de beauté et de mort. Nous eûmes congé à l'occasion des funérailles. Et je me rendis le lendemain tout seul aux abords de l'Arc de Triomphe, sous lequel, disaient les journaux, le corps de Victor Hugo était exposé depuis le matin. C'était en mai. Il faisait un temps magnifique. Le printemps parisien flottait dans les rues. La joie de vivre était si forte que la mort même semblait une suprême splendeur. Un fleuve de peuple, naïvement heureux du beau jour férié, coulait toujours plus dense vers l'Arc de l'Étoile. Sous les arbres de la place, une foule innombrable entourait l'immense monument. On devait attendre. Un murmure religieux sortait de 100 000 bouches. Et sous la voûte, en plein air, dans le beau soleil chaud, attaché au fronton de pierre, un long voile de crêpe palpitait dans l'azur, et le vent qu'il faisait flotter et qui, venu des lointains horizons, avait passé sous la voûte sublime avant de le gonfler, semblait le souffle même de la gloire. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Vous avez l'impression d'y être, Anne-Marie Thiès, si vous aviez été une petite fille à côté du tout petit, du tout jeune Fernand Gregg, imaginez-vous. Oui. Beaucoup d'enfants des écoles y ont assisté, notamment dans le cadre des bataillons scolaires. Ça a été un événement absolument spectaculaire, une des plus grandes manifestations du 19e siècle à Paris. De la même manière que l'enterrement de Mickiewicz en Pologne avait été aussi le plus grand événement en Pologne au 19e siècle. Incarnant la frustration de la Pologne. Dans le cadre, oui, d'un État polonais qui avait disparu. Et donc, le seul moyen à un moment donné de manifester une option politique, un choix politique, un espoir politique, c'est d'assister à l'enterrement du grand écrivain. Alors, dans le cadre de celui de Hugo, la mise en scène, elle est absolument spectaculaire. Alors, il va défiler, il va aller au Panthéon dans le corbillard des pauvres. Mais il y a eu une exposition de son cercueil sous l'Arc de Triomphe. Ça a frappé le petit Fernand. Ça a frappé aussi quelqu'un qui n'était plus un enfant à l'époque, l'écrivain Maurice Barrès. Et qui écrit dans Les Déracinés un texte d'une certaine manière hallucinant sur cette nuit du 31 mai 1885 qu'il décrit comme une atmosphère quasi dionysaque où la nation communie dans une espèce de ferveur qui est aussi associée à un déchaînement en quelque sorte érotique. Et il imagine des femmes se donnant à des étrangers pour produire des génies immortels pendant cette nuit. C'est tout à fait étonnant. Les fantasmes de Maurice Barrès. Oui, les fantasmes de Maurice Barrès. Mais le lendemain, il va commenter ce qui se produit aussi le lendemain, c'est-à-dire ce défilé auquel assistent à peu près 1 million de personnes, qui est relaté partout dans la presse française et étrangère, et où il va dire que le fait de marcher ensemble derrière le cercueil, c'est un grand moment pour éprouver la mystique nationale. C'est-à-dire, bon, ce que l'on a connu après aussi avec les grands défilés, c'est-à-dire marcher ensemble vers le même objectif, c'est se sentir individu, membre d'un grand collectif dans lequel on prend sens. Tout au long du 19e siècle, les enterrements avaient servi souvent à rassembler les opposants au régime successif déjà. Mais dans le cas de Hugo, c'est autre chose puisque ce n'est pas une opposition, c'est au contraire une ratification de la France 15 ans après l'horrible défaite de 70-71. Oui, c'est le triomphe de la République. L'entrée au Panthéon de Hugo a été beaucoup représentée ensuite comme élément d'un consensus national enfin réussi. C'est-à-dire la Troisième République aurait réussi à dépasser toutes les oppositions et à fédérer la nation tout entière, des plus humbles aux plus hautes autorités de l'État, dans le même élan. D'ailleurs, on est 4 ans avant le centenaire de la Révolution française que les gouvernants ont utilisé et même instrumentalisé au service de cette démonstration. Oui, et on peut dire que l'enterrement de Hugo a préparé la commémoration de la Révolution. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui présenteraient des cas similaires? Alors, dans toute l'Europe centrale et orientale, qui reste quand même pendant longtemps sous des régimes monarchiques peu favorables à l'idée nationale va d'abord être portée par des commémorations d'écrivains comme Schiller ou Goethe en Allemagne. Les statues qui les célèbrent sont des moyens pour une bourgeoisie libérale de réclamer l'unité allemande. Et puis, on a évoqué tout à l'heure le cas de Mickiewicz, l'idée nationale polonaise, elle est portée par la représentation de l'écrivain, les statues qui lui sont érigées. Et ça, c'est quelque chose qui va être extrêmement durable. À Budapest, à la fin du 19e siècle, est érigée une statue à l'écrivain Sándor Petőfi. On n'est pas encore dans le cadre de la Hongrie indépendante. Autre grand prophète de l'indépendance. Autre grand prophète, militant, combattant, d'ailleurs il meurt au combat, de la nation hongroise. Du printemps des peuples. Du printemps des peuples. Mais en 1956, lorsque les habitants de Budapest s'insurgent contre l'occupant soviétique, c'est autour de la statue de Petőfi qu'ils se rassemblent. Cette géographie de la célébration est intéressante. Il y a des pèlerinages littéraires qui ont une portée à la fois culturelle et politique. Alors, les pèlerinages culturels ont une portée politique, d'autant plus que la situation politique ne permet guère l'expression des idées dans un espace public démocratique. C'est quelque chose qui est encore extrêmement vivace de nos jours. Et par exemple, dans le cadre de l'affrontement que nous connaissons entre Ukraine et Russie, il y a actuellement un développement très fort autour de l'écrivain ukrainien Shevchenko, avec des manifestations autour de sa statue. Alors, autre exemple important de statue politique, c'est celle qui est érigée à Pouchkin, à Moscou, en 1880. Autre grand rassemblement vécu dans une atmosphère dionysiaque. Et ce qui est intéressant, c'est que cette statue a été le point de départ des premières manifestations dans les années 1960 contre le régime soviétique et la répression des écrivains. Et que dans la Russie post-soviétique, beaucoup de manifestations se font encore au nom de la liberté autour de cette statue et encore au mois d'août dernier. Oui, à ce propos, on peut citer, comme vous le faites dans votre livre, Anne-Marie Thiès, ce propos d'une critique littéraire, Lydia Ginsburg, une critique russe, qui écrivait « L'amour de Pouchkine, incompréhensible pour les étrangers, est le véritable signe qui identifie un russe. Vous pouvez aimer ou pas n'importe quel autre écrivain russe, c'est une affaire de goût. Mais Pouchkine nous est indispensable. Pouchkine est le pivot sur lequel s'articule la culture russe. Il connecte le passé au futur. Enlevez ce pivot et les connexions se désintègrent. » Il me semble que De Gaulle, dans son fameux propos que je donnais à écouter au début de cette émission, aurait pu aussi citer Pouchkine. De Gaulle y a sans doute pensé, mais Pouchkine appartient à un pays qui n'était pas concerné du tout à l'époque par la construction européenne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Staline était lui aussi parfaitement convaincu du pouvoir de Pouchkine comme rassembleur de la nation russe. Et en 1937, la célébration grandiose centenaire de Pouchkine est une des premières manifestations du grand rassemblement patriotique qu'il est en train de construire face à l'émergence de la menace allemande. Et cela va si loin que, eh bien, au moment où on est en train d'imposer en Russie le réalisme socialiste comme dogme esthétique, il s'agit de récupérer Pouchkine, ce qui n'est pas simple. Eh bien, l'Académie des sciences va être commise à essayer de faire de Pouchkine un précurseur un authentique précurseur du réalisme socialiste. Et c'est là que nous en arrivons au XXe siècle, au moment où l'écrivain n'est plus seulement au service de l'émergence de la liberté et de la démocratie, mais va être mobilisé pour servir d'abord l'effort de guerre en 14-18, une date fondamentale dans cette histoire des écrivains nationaux, et ensuite également au service des régimes totalitaires. Durant la Première Guerre mondiale, il y a une mobilisation intense des écrivains, d'abord en armes, mais aussi par leurs plumes. Il va même y avoir au Royaume-Uni formation donc d'un office des écrivains engagé dans l'effort de guerre pour faire ce qu'on appellera après de la propagande politique au service de l'engagement britannique. Kipling est à cet égard alors représentatif. Va être mobilisé, de même que Conan Doyle. Ce qui est aussi remarquable, c'est qu'au sortir de la guerre, les régimes autoritaires qui vont se mettre en place sont absolument convaincus d'une chose, c'est du pouvoir de la littérature. Le pouvoir de la littérature pour former les esprits et pour incarner l'idée collective. Alors, bien évidemment, ça va être mis au service du régime qui contrôle ce collectif. Et on sait très bien que dans le cas de l'Allemagne nazie, à peine Hitler est-il arrivé au pouvoir, qu'il y a une mise au pas de la littérature et des écrivains. Mais à cet égard, il y a peut-être eu quelque chose comme une préparation avec la Grande Guerre et ce chauvinisme que les écrivains ont servi pour la plupart, pas tout à fait tous. Romain Rolland avec son séjour en Suisse au-dessus de la mêlée. Stefan Zweig a cédé un moment à cela, mais ensuite il a rejoint Rolland pour déplorer ce qu'il a appelé la mort d'une certaine Europe. Il écrivait « Shakespeare fut banni, à propos de 14-18, Shakespeare fut banni des scènes allemandes, Mozart et Wagner des françaises et des anglaises, les professeurs allemands expliquèrent que Dante était germain, selon les français, Beethoven était belge, sans état d'âme, on réquisitionnait le patrimoine culturel de l'ennemi comme du blé et du minerai. » Je trouve cette citation dans votre livre sur la fabrique de l'écrivain national. Oui, on a attaqué les écrivains nationaux de l'ennemi comme on a attaqué ces monuments et ces lignes de défense. Alors, il y a un immense élan patriotique des écrivains, des divers belligérants au début de la guerre. Cela dit, l'expérience de la guerre dans les tranchées ou dans les troupes, qui va amener d'ailleurs des écrivains issus de milieux sociaux aisés à côtoyer le peuple, à le découvrir et à le rencontrer, à découvrir ce que peut être une véritable solidarité humaine en situation atroce. Donc nationale. Nationale, mais va pouvoir aussi susciter quelque chose qui est quand même capital à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire le développement d'un internationalisme militant. 14-18, il y a des conversions d'écrivains au front qui sont extrêmement importantes et déterminantes pour la suite. Mais 14-18, c'est le moment où s'efface provisoirement la dialectique nécessaire entre l'enracinement national d'un côté, pour un grand écrivain, et d'autre part, son universalisme potentiel, ce qui est vraiment au cœur de cette histoire. C'est encore Régis Debray qui observe que Garcia Marquez, s'il n'avait pas été farouchement colombien, n'aurait pas trouvé pour 100 ans de solitude un tel succès qui a fait le tour du monde. C'est parce que on creuse sa différence que l'on est universel. Mais cette différence, effectivement, elle s'accentue avec la montée des totalitarismes, le nazisme d'un côté, et le fascisme, d'Annunzio, par exemple, auquel nous avions consacré naguère une émission. Et du côté soviétique, évidemment, des mobilisations aussi, par exemple Gorki. Ça se reflète souvent en Europe même, avec ceux qui sont communistes. Il y a un cas qui est tout à fait représentatif, me semble-t-il, c'est celui d'un de nos très très grands poètes, je veux dire Louis Aragon, et qui avait, dans un poème fameux de 1931, « Front rouge », attaquer la Marseillaise au profit de l'international. Il avait dit qu'il fallait faire feu sur Léon Blum, sur Boncourt, Frossard, Déa, feu sur les ours savants de la social-démocratie. Et il écrivait aussi, au même moment, « Je salue ici l'international contre la Marseillaise, cède le pas, ô Marseillaise, à l'international, car voici l'automne de tes jours, voici l'octobre où sombrent tes derniers accents. » Une décennie plus tard, le poète retrouve le patriotisme dans la résistance. Et la Marseillaise, à nouveau, et par lui célébré de la façon que nous pouvons constater dans un poème très fameux de la Diane française, un poème de la Résistance. Et s'il était à refaire, je referais ce chemin. Une voix monte des fers et parle des lendemains. On dit que dans sa cellule, deux hommes, cette nuit-là, lui murmuraient « Capitule, de cette vie es-tu là ? Tu peux vivre, tu peux vivre, tu peux vivre comme nous. Dis le mot qui te délivre et tu peux vivre à genoux. Et s'il était à refaire, je referais ce chemin. La voix qui monte des fers parle pour les lendemains. Rien qu'un mot, la porte cède, s'ouvre et tu sors. Rien qu'un mot, le bourreau se dépossède, sésame, finis tes mots. Rien qu'un mot, rien qu'un mensonge pour transformer ton destin. Songe, songe, songe, songe à la douceur des matins. Et si c'était à refaire, je referais ce chemin. La voix qui monte des fers parle aux hommes de demain. J'ai dit tout ce qu'on peut dire, l'exemple du roi Henri. Un cheval pour mon empire, une messe pour Paris, rien à faire. Alors, qu'il parte. Sur lui retombe son sang, c'était son unique carte. Périsse cet innocent, et si c'était à refaire, referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers dit, je le ferai demain. Je meurs, et France demeure mon amour et mon refus. Oh, mes amis, si je meurs, vous saurez pourquoi ce fut. Ils sont venus pour le prendre. Ils parlent en allemand. L'un traduit, veux-tu te rendre? Il répète calmement, et si c'était à refaire, je referais ce chemin sous vos coups chargés de fer que chantent les lendemains. Il chantait, lui, sous les balles des mots, sanglant et levé. D'une seconde rafale, il a fallu l'achever. Une autre chanson française à ses lèvres est montée, finissant la Marseillaise pour toute l'humanité. C'était la ballade de celui qui chante dans Les Supplices, poème très fameux de Louis Aragon, qui est ici lu, vous l'avez reconnu, par Jean Villard. C'est un extrait du recueil publié en 1943, L'honneur des poètes. Revanche de la Marseillaise, Anne-Marie Thiès. Oui, ce poème nous montre comment les rapports entre nationalisme et internationalisme, du point de vue des écrivains et des conceptions de la littérature, sont complexes. Autant l'expérience de la Première Guerre mondiale va amener un certain nombre d'écrivains à affirmer des positions internationalistes pour justement dépasser les conflits nationaux, autant l'expérience de la Seconde Guerre mondiale et notamment du nazisme et des occupations va les amener à réactiver des positions nationales, voire nationalistes. Patriotiques en tout cas, ce qui en France se traduit par la formation d'un comité national des écrivains et une résistance littéraire, l'honneur des poètes, qui va affirmer notamment que le patrimoine littéraire français, le style littéraire français, peuvent être aussi des éléments de résistance à l'ennemi. Alors que par ailleurs, les écrivains de la collaboration dénoncent cette anti-France des écrivains de la résistance et les dénoncent même éventuellement directement, nommément à l'occupant. On a la même chose en Allemagne, où les écrivains antifascistes, qui sont déchus de leur nationalité par le pouvoir nazi, vont se représenter en justement défenseur de l'authentique littérature allemande, de l'authentique culture allemande. Et quid de l'Italie ? Dans le cadre de l'Italie, le régime fasciste met d'entrée de jeu en place une politique d'affirmation de la culture nationale qui va, dans un premier temps, séduire beaucoup d'écrivains en Italie ou en dehors de l'Italie d'ailleurs, mais, on pourra le remarquer ensuite, va donner peu de production d'esprit fasciste comme l'aurait désiré Mussolini. Parce que une chose est certaine, lorsqu'un pouvoir dictatorial veut prendre le pouvoir sur la création littéraire, il a une grande facilité à interdire, à supprimer des œuvres, les détruire, les fameux bûchers par lesquels les étudiants nazis ont détruit une partie du patrimoine littéraire allemand. On peut mettre les écrivains en prison, on peut les empêcher de s'exprimer, mais faire produire une littérature aux ordres du régime, ça, c'est beaucoup moins facile. Ça peut donner des œuvres, justement, d'une telle médiocrité qu'elles laissent très peu de traces. Les régimes démocratiques, en somme, sont mieux à même de faire surgir des talents de ce genre jusqu'au génie. Les régimes démocratiques ont ceci qu'ils peuvent d'abord admettre une très grande diversité de production, admettre des conflits entre écrivains à l'intérieur de la production, et on sait à quel point ces conflits sont productifs, et puis favoriser justement la production. Les écrivains aux ordres, et surtout on l'a vu dans les régimes nazis et ou staliniens, sont soumis aussi à des variations des directives politiques telles que finalement pas grand-chose ne peut en surgir. Il y a le cas par exemple représentatif de Jost du côté des nazis que vous mettez bien en lumière, Anne-Marie Thiès. En fait, le régime nazi met très très vite en place tout un système extrêmement complexe avec un grand organigramme de prise sous contrôle de la production et de la diffusion littéraire. Et tout ce qu'il arrive à mettre à la tête de ce grand organisme, c'est un dramaturge nazi convaincu, mais de second ordre, parce que tous les écrivains un peu plus représentatifs et qui ont une aura internationale, soit sont exilés, soit se défilent. Sous cette lumière, quand on considère ce que vous appelez la fabrique de l'écrivain national, l'attribution des prix Nobel n'est pas sans intérêt. Nous en avions parlé naguère ici. Oui, alors le prix Nobel de littérature a été créé pour honorer un écrivain justement de dimension internationale, qui porte des valeurs éthiques de dimension internationale. Mais très tôt, les discours de célébration des lauréats indiquent qu'ils ont été considérés comme universels parce que profondément nationaux et en même temps génie singulier. Donc c'était avalisé ce système, ce principe qui s'est mis en place donc depuis le 19e siècle. Parce qu'ils ne parlaient pas volapük ou espéranto comme aurait dit. Parce qu'ils ne parlaient pas volapük ou espéranto. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que ce prix Nobel créé en Scandinavie a très tôt récompensé dans le cadre européen des petites nations. Et depuis les années 1980, il a une ouverture mondiale très affirmée, et ça c'est extrêmement important pour les pays considérés. Alors il faut que nous terminions cette conversation, Anne-Marie Thiès, en s'interrogeant sur une conséquence très directe des turbulences de la Seconde Guerre mondiale, turbulence le mot est faible, c'est-à-dire la mise en lumière de la responsabilité de l'écrivain. Parler pour la nation, parler pour l'universel. Dernière archive, Jean-Paul Sartre s'exprime sur ce sujet à la Sorbonne, le 1er novembre 1946. C'est la chaîne parisienne qui a recueilli ses propos. Il n'y a pas de littérature innocente. De même que Saint-Just disait, on ne gouverne pas innocemment. Il faut dire, on ne parle pas, on n'écrit pas innocemment. Et il y a une responsabilité de l'écrivain dans le fait qu'il a maintenu trop longtemps, plus qu'il ne pouvait, la position de l'art pour l'art. Aujourd'hui, la situation est tout à fait différente. Parce que, d'abord, il y a écroulement de l'irresponsabilité et de l'art pour l'art. L'occupation, par exemple, a montré à beaucoup de gens que, précisément, la littérature, aujourd'hui, est liée à la démocratie. Si vous ne pouvez pas écrire librement en vous adressant à des hommes libres, alors vous ne pouvez plus écrire. L'exemple de Drieu, comme aussi bien l'exemple des écrivains résistants, vous montre que la littérature est à ce point liée à la démocratie que non seulement il faut qu'elle la défende, mais que quand la démocratie est attaquée par les armes, on défend aussi par les armes la littérature. Donc, vous le voyez, l'attitude d'écrivain exige une certaine société humaine. Elle ne peut pas se faire dans toutes les sociétés. Dans une société d'oppression, il n'y a plus de littérature. Et ça n'est pas un hasard si la littérature allemande nazie ou la littérature italienne fasciste était si mauvaise. Cela rejoint exactement ce que vous nous disiez il y a un instant, Anne-Marie Thiès. Anne-Marie Thiès, Jean-Paul Sartre, même combat? Non, ce que déclare Sartre dans ce discours célèbre, c'est que l'écrivain est nécessairement engagé. Alors, il s'appuie sur l'exemple de la résistance contre l'occupation, mais il va développer, dans les années qui vont suivre, cette figure de l'écrivain engagé qui va avoir une audience internationale et qui fait que pendant 3 décennies à peu près, le modèle de l'écrivain français, le modèle de l'écrivain national français, c'est l'écrivain engagé. Et nous assistons aujourd'hui probablement à une déconstruction de ce modèle de l'écrivain engagé au profit d'autres formes de célébration de l'écrivain national. Vous voyez un retour au 19e siècle ou une mutation liée à la mondialisation en cours ? Alors, il y a l'effet de la mondialisation, c'est certain. Le fait que l'universel ne peut plus être présenté selon les mêmes termes que avant la décolonisation, par exemple, mais aussi une espèce, probablement, et c'est, je pense, l'objet aussi de l'ouvrage de Régis Debray dont vous avez parlé, un relâchement ou une transformation du lien entre l'individuel et le collectif, et donc du rôle de la littérature dans cette articulation. Néanmoins, perdure une réflexion sur ce qu'il y a. Je parle encore de ce livre du génie français de Régis Debray, qu'il peut y avoir dans chaque cas de représentatif d'une sensibilité collective, liée d'ailleurs à la question de la langue dont nous n'avons pas parlé. Oui, alors la question de la langue est évidente, à savoir qu'un écrivain c'est d'abord l'illustration d'une langue. Je pense que ce qu'il reproche à Stendhal, puisque c'est une charge affectueuse, une charge affectueuse contre Stendhal, ce qu'il lui reproche c'est de ne pas avoir voulu assumer, en quelque sorte, ce qu'a fait Hugo, cette position d'écrivain national, cette position d'écrivain s'exprimant porte-parole d'une collectivité. L'homme des happy few contre l'homme de la collectivité nationale tout entière. Eh bien, pour ma part, je dois vous dire que je ne suis pas mécontent que notre conversation vouée à l'écrivain national sur 3 siècles se termine par un hommage à Victor Hugo, Anne-Marie Thiès. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Anne-Marie Thiès, sur lequel nous avons fondé cette conversation, La fabrique de l'écrivain national entre littérature et politique, aux éditions Gallimard. L'ouvrage vient de sortir. Vous avez également proposé à notre attention un livre important, 1999, dans la même ligne, La création des identités nationales en Europe du 18e au 20e siècle, au seuil de la collection Univers historique, disponible à présent en point. Et puis j'ai cité le livre de Régis Debray, Du génie français, qui vient de paraître également aux éditions Gallimard. Vous pourrez naturellement trouver une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents que nous avons utilisés, les archives sonores, et vous pourrez écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, nous parlerons de l'offense au président de la République, en nous demandant s'il y a du nouveau. Nous n'avons pas offensé aujourd'hui le président de la République en évoquant son choix de Maurice Genevoix. Eh bien, nous parlerons de ce sujet avec Olivier Beau, qui lui consacre un livre intéressant. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, avec l'appui précieux de Domiti de Gavrilov et de Claire Poinsignon, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec Julien Calvas à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Gwen Michel pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.